Chapitre 5. L'après-midi était avancé, le surlendemain, quand Élisabeth s'en alla vers la vieille salle de l'ancien château où elle aimait travailler pendant les jours d'été. Là, au moins, elle ne risquait pas de rencontrer sa belle-mère ou Agathe. Assise sur l'appui de la baie ogivale, elle avait sous les yeux la vallée, la noble perspective des hauteurs, en partie couverte de sapins. Aujourd'hui, un ciel voilé ne donnait qu'une lumière atténuée, dont la douceur apaisante détendait quelque peu les nerfs d'Élisabeth. À part un bruit de moteur, parfois, sur la route au-dessus de Montparoux, un silence bienfaisant l'enveloppait. Elle tricotait de temps à autre, mais plus souvent, restait songeuse, ses yeux errants sur le paysage familier. À droite, dans la vallée, un bouquet d'arbres cachait Aigues Blanches, la demeure de Madame de Groussel. Willibald, maintenant, déchargeait sa mère du souci de l'exploitation agricole. Des deux enfants nés du second mariage, l'un, Abel, était infirme, l'autre, une fillette de 15 ans, élevée en Suisse chez une sœur de Madame de Groussel, ne venait à Aigues Blanches que pendant les vacances. Élisabeth les connaissait peu, car depuis longtemps, la baronne ne l'invitait plus à accompagner sa belle-mère et Agathe lorsque celle-ci lui rendait visite. Sa réputation de sauvagerie, de caractère intraitable, avait été dûment établie, non moins que la négligence, le laisser-aller de sa tenue. Il ne lui échappait point que Madame de Groussel, dans leur rencontre d'ailleurs assez rare, lui témoignait une malveillance à peine déguisée. Elle savait quelle sournoise influence s'exerçait là, comme auprès de son père, de Willibald, des personnes autrefois en relation avec sa mère et qui semblaient l'ignorer maintenant. Une sourde révolte soulevait parfois son âme meurtrie, mais elle faisait appel à toute sa fierté, à toute sa volonté, pour que ces deux femmes ne s'en aperçussent jamais. Car elle serait trop joyeuse, vraiment, si elle voyait combien souffrait Élisabeth. Tandis qu'en leur opposant une apparente impassibilité, en narguant les hypocrites manœuvres destinées à lui nuire, elle avait conscience de les décevoir, de briser les armes entre leurs mains. Mais qu'il était dur, parfois, de maintenir cette attitude. Avec quelle joie elle voyait, chaque année, le départ de Judith et d'Agathe au début de l'automne. Les 3 mois de leur séjour à Montparoux lui semblaient interminables, et les autres passaient tellement vite dans cette austère solitude, malgré le dur hiver. Cette année, elle partirait un peu plus tard. Agathe se marierait le 15 octobre, dans la petite église de Sauvin-le-Béni. Un mariage tout simple, disait Judith, simple comme Agathe, cette colombe. Les lèvres d'Élisabeth crispèrent, puis un rire de triomphe s'étouffa dans sa gorge. Ah, du moins, la belle Judith n'aurait pas les joyaux de l'aïeul hindou. Elle ne se doutait guère que cette Élisabeth détestée, persécutée, en était la détentrice. Par Damien, parfois un peu moins secret que sa sœur, Adélaïde avait su que la défunte comtesse léguait à ses deux domestiques une rente de 4 000 francs. Mais elle ignorait si Madame de Rudaine avait pris des dispositions particulières pour sa petite fille. Élisabeth ne s'en inquiétait guère, car elle avait encore toute l'inexpérience de l'enfance. Le désintéressement, d'ailleurs, était un trait de sa nature, et elle le poussait aussi loin que possible, trop loin, disait parfois Adélaïde. Pas une fois, elle n'avait songé que les bijoux donnés par sa grand-mère représentaient une grosse fortune dont il lui serait possible de jouir plus tard. Elle considérait seulement qu'elle les soustrayait à l'avidité de Judith et cette pensée lui procurait une suffisante satisfaction. Dans le silence où Élisabeth s'engourdissait un peu, la voix d'Adélaïde vint la faire tressaillir. « Élisabeth, êtes-vous par ici ?» La fillette bondit hors de la vieille salle jusque dans la cour où Adélaïde venait de s'arrêter près de l'antique bassin desséché. « Qu'y a-t-il, Adélie ? Monsieur de Rudaine vous demande, ma petite fille. » Les fins sourcils d'Élisabeth se rapprochèrent aussitôt et les yeux, tout à coup, semblèrent prendre une teinte plus sombre. « Il vous attend dans le petit salon, » ajouta Adélaïde. Élisabeth dit ironiquement « Je vois, Judith sera là et on va me juger. Une condamnation, naturellement, parce que je n'ai pas pu supporter davantage cette comédie. » Adélaïde la regarda avec effarement. « Une comédie ? Quelle comédie ?» Mais Élisabeth, négligeant de répondre, s'élança hors de la cour sans paraître entendre la vieille demoiselle qui lui disait « Recoiffez-vous un peu auparavant, mettez des chaussures convenables. » Près du grand salon se trouvait une petite pièce décorée de trumeaux et de glace dont Judith avait fait son domaine favori. De gracieux meubles anciens l'ornaient et des fleurs y étaient disposées en abondance. Quand Élisabeth entra, Madame de Rudaine, vêtue d'une vaporeuse robe noire et enfoncée dans une profonde bergère, causait avec son mari, debout près d'une porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Elle enveloppa sa belle-fille d'un rapide coup d'œil qui s'attarda sur les sandales de toile usée, sur les bas fortement reprisés. « Toujours cette tenue, Élisabeth ! Incorrigible, vraiment !» Quelle suavité se mêlait aux reproches dans cette douce voix. Monsieur de Rudaine toisa sa fille d'un regard irrité. « Cela devient intolérable, Élisabeth. Tu n'as aucune tenue, tu ne tiens pas compte des observations que ta mère se donne la peine de te faire. Avant-hier, tu as agi avec la dernière inconvenance en quittant la chapelle au lieu de demeurer près de nous où se trouvait ta place pour recevoir les condoléances des assistants. » « Je suis une inconnue pour la plupart d'entre eux. » Élisabeth tournait vers son père une physionomie impassible. Il leva les épaules en ripostant. « À qui la faute? Si tu étais plus présentable et plus sociable, tu serais en rapport avec nos relations, ainsi que nous le souhaitions ta mère et moi. Mais cette situation ne peut durer. Il faut que tu apprennes les manières conformes à ton rang et que tu acquières une instruction plus étendue que ne peut te donner Adélaïde. » Élisabeth contint avec peine un tressaillement. Il y avait là des yeux très doux, sous de longs cils foncés, qui guettaient le moindre signe d'émotion, d'anxiété chez elle. Il fallait donc ne rien montrer de ce qu'elle éprouvait en entendant ces paroles qui annonçaient une décision depuis quelque temps redoutée. Monsieur de Rudaine s'écarta un peu de la fenêtre et fit un pas vers sa fille. La quarantaine le laissait jeune, svelte, toujours séduisant, avec son visage un peu mat, au trait fin, ses yeux d'un bleu velouté qui, autrefois, avait pris le cœur de Daphné Meldwyn et, plus tard, celui de Judith. Il était en outre d'une élégance très aristocratique, vraiment très grand seigneur. Il passait pour lettré, s'intéressait à toutes les manifestations artistiques. Mais les mauvaises langues prétendaient qu'il ne fallait voir là qu'une façade, utile pour sa réputation mondaine. « J'ai reçu ces jours derniers une lettre de ton oncle, Sir Montagu Meldwyn. Il serait désireux de te connaître et demande que tu passes quelque temps chez lui à Morton Court. J'ai donc décidé que tu partirais le mois prochain avec Adélaïde. » J'écrirai à Sir Montagu de chercher pour toi une bonne pension où tu recevras l'instruction et l'éducation qui te manquent. Tu sortiras chez lui et le contact avec sa fille achèvera de faire de toi, du moins je l'espère, une jeune personne bien élevée. » Une violente protestation montait aux lèvres d'Élisabeth. Elle avait envie de crier « Non, non, vous ne me ferez pas partir d'ici !» Mais elle serait trop heureuse, cette femme, de voir sa colère, sa douleur. Il fallait se raidir, se taire, garder cet air de défi glacé qui parut irriter M. de Rudaine, car il dit sèchement « Qu'as-tu à me regarder ainsi? Ne peux-tu parler au lieu de prendre cet air? Cet air? Je n'ai rien à vous dire, mon père !» La sèche riposte interloqua visiblement M. de Rudaine. Mais la voix de Judith s'éleva avec un accent d'ironique réprobation. « Quelle insolence! Vraiment, Élisabeth, tu abuses de notre indulgence. Ne pense pas que tu en trouveras ailleurs une semblable. Oh, je sais très bien qu'il n'existe rien de comparable à vous. » Avec un surinstinct de ceux qui pouvaient atteindre sa belle-mère, Élisabeth saisit ses larmes du sarcasme. Elle attachait maintenant sur Judith ce même regard de défi dans lequel passait une lueur de triomphe, car elle songeait aux joyaux, si vainement cherchés par Madame de Rudaine dans tous les recoins du vieux château, comme Damien l'avait appris à Adélaïde. Les mains de Judith, des mains un peu courtes, un peu épaisses, mais admirablement blanches et soignées, se contractèrent légèrement sur la robe noire où elle s'abandonnait. Pendant un instant, les paupières aux longs cils cachèrent le regard que cherchaient les yeux provocants d'Élisabeth. M. de Rudaine dit avec irritation « C'est assez, tu as un ton qui ne me plaît pas. Va-t'en et dis à Adélaïde de venir me parler demain matin pour que je lui donne mes instructions à ton sujet. » « Bien, mon père. » Et, après un bref salut, Élisabeth sortit du salon avec l'intime satisfaction, léger baume sur sa souffrance, d'avoir eu cette fois le dernier mot avec sa belle-mère. « Détestable enfant !» dit Judith. Mais cette appréciation s'accompagnait d'un sourire qui devait en diminuer la portée. « Espérons que la société de sa cousine, que je suppose bien élevée, lui sera favorable. Puisque ni vous ni moi ne pouvons rien obtenir d'elle, peut-être des étrangers réussiront-ils mieux dans cette difficile tâche. » « Peut-être. En tout cas, vous serez délivrée de ce souci, ma chère amie. Nous la laisserons quelques années là-bas, et, à son retour, nous tâcherons de la marier le plus tôt possible, chose sans doute difficile, puisqu'elle n'aura pour dot que la somme relativement assez modique, l'aidée par sa grand-mère, et qu'elle manquera totalement, je le crains, du charme, de la grâce qui aurait pu, aux yeux de certains, former compensation. » Judith soupira en murmurant d'un ton de regret « J'aurais tant voulu remplacer sa mère, faire d'elle la sœur de mon Agathe. Hélas, il me faut renoncer à vaincre cette ingrate nature, à conquérir cet enfant qui me déteste. C'est une véritable souffrance pour moi, Rodolphe. » M. de Rudaine, s'approchant, lui prit la main et y appuya ses lèvres. « Vous êtes tellement bonne, mon aimée. Cette enfant est odieuse. Je ne sais de qui elle tient, car Daphné avait une nature douce et aimable. De votre mère, peut-être. » La physionomie de Rodolphe s'assombrit. « Ah oui, de ma mère, c'est possible. Mon père n'a pas été heureux près d'elle. Et elle nous joue un tour infernal. » La voix de Judith prenait tout à coup des intonations dures. « Ses bijoux, qu'a-t-elle pu en faire? Où les a-t-elle cachés? C'est affolant. Qu'allons-nous faire ? » ?»« Je me le demande. Il faudra encore recommencer nos recherches. Dans ces vieux meubles, il peut y avoir des tiroirs à secrets. Je ferai venir un ébéniste de Besançon pour qu'il les examine. » C'est une bonne idée. Quant à Damien et Aglaé, s'ils savent quelque chose, nous arriverons difficilement à les faire parler. Je ne crois pas que ma mère se confiât à quelqu'un, fût-ce à des serviteurs fidèles. Ce n'était pas dans son caractère méfiant et renfermé. Non, elle a dû combiner seule cette méchanceté, cette vengeance. Mais enfin, puisqu'elle ne quittait plus Montparou depuis des années, elle ne peut avoir caché ailleurs ses joyaux. À moins qu'elle ne les ait fait déposer dans une banque par un de ses domestiques sans qu'ils se doutent de ce que c'était. Il faudra interroger Damien et Aglaé sur ce point. Puis, s'ils ne peuvent ou ne veulent nous renseigner, nous nous informerons près des banques de toute la région. Évidemment, ce sera notre dernière carte. Après, eh bien, il ne nous restera qu'à espérer dans le hasard pour nous les faire découvrir. J'aurais tant voulu cependant vous voir parer du merveilleux collier de mon aïeule, ma belle Judith. » Elle sourit au regard d'adoration qui accompagnait ces mots. « Espérons que vous aurez ce plaisir, mon cher Rodolphe, et que je prendrai cette petite revanche sur votre mère qui m'a si profondément blessée. Je vais maintenant m'habiller, puisque nous dînons ce soir à Aigueblanche. Agathe voudrait y arriver quelque temps auparavant pour roucouler un peu avec son fiancé. » Un doux rire passa entre les lèvres de Judith. « Elle a un nom 1830, ma petite fille, mais elle a un peu aussi l'âme de ce temps. » M. de Rudaine sourit en appuyant une main caressante sur les cheveux noirs. « Oui, elle me semble bien sentimentale, surtout à l'égard d'un homme plutôt froid tel que Willibald. Il est curieux qu'elle se soit prise d'une telle passion pour lui. » J'en ai été surprise aussi, ce qui prouve que nous connaissons bien peu nos enfants et qu'ils nous réservent parfois de fortes surprises. En l'occurrence, je n'ai pas été mécontente du choix d'Agathe. Willibat est un homme de valeur et ses qualités morales compensent son peu de fortune. Agathe sera très heureuse, je le crois. » « Et elle le mérite bien, » dit chaleureusement M. de Rudaine.